chez moi. Parce que si tout se passe bien, je te raconte pas ce qui va m'arriver au match, je te le dirai papa. Tu le sauras à la fin de ma chanson, bah ouais. Va te faire voir chez le grec comme Diddy Kong. Donc j'étais tranquille à marcher dans la rue, croisé juste un ou deux petits vieux et quelques morues. Et à ce moment-là, je te jure, j'y crois pas, mais qu'est-ce que je vois? Je croise Barracuda avec ses chaînes pendantes et à côté de lui un grand groupe de putains de chiennes pendantes. Il me dit, petit, qu'est-ce que tu regardes les gars de là? Ou alors je me fais un pendentif avec tes doigts. Oula, je lâche l'affaire, j'ai pas pris ma barre de fer. Je trace ma route, je vais casser la croûte. Le sang du chou plus énorme que t'as jamais vu. Un Steinbourg, un forestier avec du gruyère dessus. Ça y est, mon rêve commence à prendre une bonne tournure. Y'a peut-être moyen de soudoyer cette espèce de grosse ordure. J'hésite un instant, et finalement, je rapporte le sang du tchat Barracuda. J'ai même pas le temps de lui donner, qu'il le dévore déjà. Ah, ça c'est mon doigt. Je t'avais prévenu, mon salaud, du prix à payer. Et ton doigt est vraiment très beau, t'as donc me l'accrocher. Je m'approche de lui, je passe un coup dans son doigt, le rikiki. Ça va, il te manquera pas, c'est dégueulasse. À côté de ça, les pétasses se prélassent. Et Barracuda, avec ses chaînes pendantes et ses grandes chiennes pendantes, qui se moquent de moi. Me voilà embarqué sur une mer de fromage fondu. La vague me ramène à toutes les putées au gros tendu. Je me trouve devant lui, le sandwich dans les mains. Oh putain, il a l'air d'avoir faim. Ah, je suis dégoûté, je repars à pied. Parce qu'en plus de tout le reste, Roland m'a baissé mon vélo. Après, j'ai tracé dessus, il me l'a rendu en trois morceaux. Et en plus de ça, et ce qui est pas très cool, c'est que là où y'avait mon doigt, maintenant y'a du sang qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Et ça s'arrête pas, c'est un vrai rat de marée. Faut que je retrouve mon doigt, ou sinon je vais noyer. Voilà Barracuda qui vient juste de passer, mais c'est déjà trop tard, j'aurais pas le rattrapé. J'avais aussi mon vélo, et sa chaîne pendante. Derrière une maille, sous les flots, le groupe de chiennes bandantes. Ça y est, mon petit Rikiki part vers l'infini. Et c'est à ce moment-là que mon rêve s'est fini.